Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, vous allez peut-être gagner des millions grâce à cet épisode. Restez avec nous! J'étais en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas mettre genre le jingle d'on va gagner des millions, tu sais, le générique. Le Florian du futur qui est en train de réaliser le montage aura peut-être l'idée de mettre le jingle. Allez, zou. Ce sera marrant, mais je ne sais pas s'il est libre de droit. Je pense pas. Cela dit, vu les musiques qu'on utilise, ça va quoi, c'est pas non plus dramatique. Comment ça va, Sophie? Ça va. On a pas mal de moustiques en ce moment, alors je suis complètement piquée, mais ça ne changera pas d'habitude, du coup. Tout va bien. Et nous, les merles commencent à rechanter. Ah! Eh oui, premier merle que j'ai entendu vocaliser ce matin, donc je suis assez c'est content. Top, voilà, en plus, voilà. C'est joli, un merle, franchement. Oui. Enfin, le chant, en tout cas. J'ai la chance d'en avoir quelques-uns dans mon jardin. Donc on va voir un petit peu s'ils nicheront pas loin, mais voilà, ça faisait plaisir de les entendre, signe que le printemps arrive bientôt. Il sera sans doute là au moment où, ou pas très loin, au moment où on aura enregistré, ou au moment où sortira cet épisode. Sophie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler de plumes, voilà. Et moi, je vais vous parler de timbres. Alors ça, par contre, il va falloir nous expliquer. Eh ben, je vous expliquerai juste après la rétro piou-piou. Traditionnelle rétro, où on revient sur quelques petites curiosités que nous avons trouvées. Sophie, qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté? Alors aujourd'hui, on va parler d'un fossile. D'un fossile qui est assez intéressant, parce que c'est un fossile d'oiseau, bah, évidemment. Hein, nous sommes sur un podcast dédié aux oiseaux, jusque-là tout va bien. C'est un fossile qui a à peu près 69 millions d'années, et en l'occurrence c'est le fossile d'un oiseau que l'on a appelé Vegavis. Alors Vegavis, c'est pas la première fois qu'on le découvre, on l'avait déjà découvert en 2011, mais en l'occurrence on ne connaissait pas sa tête parce qu'on n'avait pas le crâne, et là c'est chose faite, ça a été découvert donc je crois l'année dernière et ça a été publié juste ce mois-ci. Donc février 2025, et donc c'est une étude qui a à peu près un sacré paquet d'années quand même pour cet oiseau là et donc ce qui nous intéresse avec cette tête de cet oiseau, c'est que on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur son régime alimentaire et sur comment son écologie en règle générale, voilà. Okay, et ce qui est intéressant chez Vegavis, alors Vegavis, il y a beaucoup de questions autour de ce fossile, parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se place sur l'arbre phylogénétique des oiseaux. On sait qu'il est quand même à la base de l'arbre des oiseaux, parce que bon, un fossile de plus de 60 millions d'années, donc 69 millions d'années pour être exact, c'est quand même quelque chose qui est assez vieux, qui est quand même assez proche de la racine de l'arbre phylogénétique des oiseaux, mais on sait pas exactement où il se place. Ce qu'on sait par contre, c'est que cet animal-là, c'était un animal qui nageait, notamment, en tout cas qui plongeait, et qui se propulsait non avec ses ailes, comme le font beaucoup d'oiseaux, comme les manchots actuellement, mais avec ses pattes. Voilà. D'accord, intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Super surprise. Bah, tu disais qu'on parlait d'oiseaux dans ce podcast, évidemment. sauf que je suis tombé sur un article de New Conversation que je vous invite à aller consulter. Je vous remettrai le lien dans la description. Qui parlait de reptiles et qui se posait la question suivante, mais pourquoi les oiseaux sont-ils des reptiles? Parce que généralement, lorsque l'on parle de reptiles, on fait référence aux lézards, on fait référence aux crocodiles, mais les oiseaux font partie des reptiles. Alors Sophie, en quelques mots, pourquoi les oiseaux font partie des reptiles? Parce que leurs ancêtres sont des reptiles, tout simplement, sont des dinosaures, comme on les appelle vulgairement. Donc évidemment, les dinosaures étant, faisant partie de ce groupe de reptiles, si on veut les appeler ainsi, et ben les oiseaux en sont aussi, tout comme vous faites partie de la même famille que vos grands-parents, ce qui est logique. Voilà, donc si on vous parle d'oiseaux qui sont en réalité des reptiles, ce n'est pas un abus de langage, c'est réellement quelque chose qui, scientifiquement, est vrai. Puis je vais enchaîner avec une petite information que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux avec Hawk Florian, que tu connais peut-être. On avait évoqué son travail, c'était celui qui nous avait décrit des nids de pie un petit peu particuliers. On en avait parlé dans un précédent épisode. Eh ben, il poste quelques facts intéressants sur Blue Sky et il s'avère que en Argentine, les nids de piques sont conservés sur les poteaux télégraphiques. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais grosso modo, on coupe un bout de l'arbre où l'oiseau nichait précédemment. Et on la colle à un poteau télégraphique, comme ça l'oiseau a toujours l'arbre et a toujours la cavité dans laquelle il peut nicher. C'est pas mal ça. C'est voilà. Ah, c'est une bonne idée ça. C'est plus précisément à Ucacha en Argentine, voilà, où cette petite originalité a été décelée. Et donc voilà, c'est grâce à Hawk Florian qu'on a cette petite information. Eh ben, c'est une chouette information, et bravo, c'est une très bonne idée pour garder ces nids accessibles pour les piques, du coup. Absolument. Sophie ? Moi, de mon côté, une petite info sur les vautours. On avait parlé lors d'un précédent épisode du problème de la disparition des vautours en Inde, et notamment du problème de certaines molécules qui étaient pour beaucoup dans la disparition de ces oiseaux, malheureusement. Car elle leur était particulièrement délétère. Et juste en janvier dernier, on a eu un changement dans la législation en Inde avec un bannissement général de certaines drogues, en l'occurrence de certains médicaments, de la pharmacopée maintenant qu'on peut utiliser en Inde. Ces médicaments qui étaient à l'origine dangereux, avec des molécules très dangereuses pour les vautours si elles se retrouvaient effectivement dans la nature. Et ces médicaments ayant été bannis, ça veut dire que les vautours, avec un peu de chance, les populations de vautours vont peut-être pouvoir s'en remettre et continuer à voler librement au-dessus de l'Inde. D'accord, intéressant. Eh ben moi, je vais rester sur les réseaux sociaux avec cette fois-ci une petite étude que j'ai trouvée sur LinkedIn grâce à Frédéric Giguet. On reparlera de Frédéric Giguet, je pense, dans le prochain épisode. Donc, on risque de parler de corvidés, un mystère. Mais cette fois-ci, on parle de fauvettes orphées. On parle de fauvettes orphées, six fauvettes orphées, dont on a décrit la migration jusqu'au Sahel en Afrique de l'Ouest et le chemin inverse qui les mène à Montpellier. Voilà. Donc, on a essayé un petit peu d'avoir quelques informations sur ce vol. On a trouvé des informations intéressantes. Première particularité, c'est que le désert du Sahara, qui est une très très grande étendue difficile à traverser pour les oiseaux, est traversé par petites, on va dire, étapes au fur et à mesure donc des jours, et non sur un très long vol, comme ce qu'on pouvait peut-être penser autrefois. Et autre originalité, on a découvert que les fauvettes orphées avaient des petits vols à basse altitude, notamment après les nuits de migration, peut-être pour se repositionner dans un habitat qui n'est pas forcément optimal pour ces oiseaux. Donc voilà un petit peu pour cette petite étude qui a été publiée dans le Journal of Ornithology, et ces fauvettes sont suivies dans le cadre du programme Migralion, qui a pour objectif de documenter pour les oiseaux migrateurs le problème de l'éolien, notamment dans le golfe du Lion. Voilà. Bon, c'est gentil ça. C'est bien. Petite dernière information, Sophie, ou pas ? Alors oui, une petite information, parce que il y avait sur Ornithomedia un petit article sur un tout petit oiseau, en l'occurrence le plus petit oiseau limicole du monde, le bécasseau minuscule, donc qui porte très bien son nom. D'accord. Et ce bécasseau minuscule, normalement, il habite plus en Amérique du Nord, mais il arrive de temps en temps qu'il se balade sur les côtes européennes, alors notamment au niveau de la Grande-Bretagne, on en a eu cet hiver en Grande-Bretagne. Si vous voulez pouvoir le reconnaître, il y a toute la description possible sur ce site. N'hésitez pas à aller voir hein, sur Ornithomédia avec une petite topographie du plumage de ce minuscule limicole. Voilà. Et ben super conclusion pour cette rétro. On va parler de timbres et on va essayer de gagner de l'argent avec. C'est en tout cas ce que peut prétendre Adam Grimm of Wallace, qui a remporté le concours fédéral des timbres de canard, le Duck Stump Contest. Il a lieu canard. Tous les ans aux États-Unis. Okay. Et l'objectif est très simple, c'est de réaliser une peinture d'un oiseau. Cette peinture est soumise à un vote de jury. Et il n'y a évidemment qu'un seul gagnant. Alors, on peut citer quand même les deux personnes qui ont terminé derrière lui. Rebecca Knight et également Abraham Hunter de Dandridge, qui ont fini respectivement deuxième et troisième. Et donc, Adam Grimm of Wallace va avoir l'incroyable chance de voir son dessin sur des timbres ou sur des tampons, mais plutôt des timbres. Et on va assez vite comprendre pourquoi ces timbres sont importants. Alors, tout part de 1934. C'est le président Franklin Delano Roosevelt qui signe le Migratory Bird Hunting Stamp Act, ou le Duck Stamp Act, pour être plus rapide, qui vise tout simplement à préserver quelque peu les zones humides vitales pour la survie, notamment du gibier d'homme migrateur. Alors, qu'est-ce qu'elle permet cette loi? Elle contraint tous les chasseurs âgés de 16 ans ou plus d'acheter un timbre, et une partie de l'argent est reversée directement à la conservation des zones qui vont être restaurées par la suite ou vont faire l'objet de programmes de conservation ou de réintroduction. Au départ, ce timbre coûtait 1 dollar, dont 98 centimes allaient directement au Migratory Bird Conservation Fund pour justement mener ces actions de sauvegarde des environnements et des espèces. Le premier timbre fédéral, il a été réalisé par G.N. Darling, c'est un caricaturiste de l'Iowa. Il était d'ailleurs chef du Bureau of Biological Survey, c'est l'ancêtre de U.S. Fish and Wildlife Service. On avait eu l'occasion de l'évoquer dans de précédents épisodes. Par la suite, à partir de 1949, ce concours s'est ouvert au public. Alors, c'est un concours qui a permis quand même de remporter plus de 800 millions de dollars qui ont permis de protéger une très très grande superficie d'environnement. Et ce programme, il a connu aussi diverses revalorisations, notamment sous l'administration Obama, puisqu'en 2014, le président Obama va promulguer une augmentation de ce timbre fédéral qui va passer de 15 dollars. Je vous ai dit que le prix de base était de 1 dollar, mais il a augmenté évidemment au fur et à mesure du temps. Et bien, en 2014, il est passé à 25 dollars. Il y a toujours 98 cents qui allaient à la conservation. Donc on peut se dire que c'est pas énorme, hein, notamment quand on augmente le prix du timbre, sauf que les 10 dollars supplémentaires invoqués par le président vont permettre justement à nouveau permettre les efforts de conservation et de réhabilitation des milieux. Donc aujourd'hui, sur un timbre qui est acheté 25 dollars par beaucoup de gens, parce qu'il y a les chasseurs qui l'achètent, mais pas uniquement, et je vais y revenir, on a environ 11 dollars qui sont reversés directement à la conservation, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, tu vas me dire, Sophie, depuis 1949, le timbre, le concours est ouvert à tous les publics. Sauf que, on ne peut pas participer non plus n'importe comment. Déjà, il faut savoir que si vous n'êtes pas citoyen américain, vous ne pouvez pas participer à ce concours, c'est fini. Désolé de vous le dire, vous ne pourrez pas gagner ce fameux million que je vous promets depuis le début de l'épisode. Mais oui, c'est terrible. Mais il y a d'autres règles aussi. Par exemple, il y a une liste de d'oiseaux par année, 5 oiseaux généralement par année, qui sont choisis. Donc là, pour le contest de 2025, donc le concours de 2025, les participants devront dessiner soit un canard branchu, donc c'est l'espèce de canard avec l'espèce de casque de cyclisme pour ceux qui voient un petit peu la discipline. Vous avez aussi du canard chipot qu'on connaît plutôt bien en France aussi, la sarcelle cannelle, le petit garrot et l'héris mature rousse. Ça, ce sont les 5 oiseaux qui doivent être dessinés dans un format très particulier, en 23 x 30 cm. Il faut que ce soit au format horizontal, il ne faut pas qu'il n'y ait d'écriture. Bref, il y a plein de règles extrêmement contraignantes, bien sûr. Et vous pouvez soumettre à partir du 1er juin 2025 votre timbre et les résultats sont clôturés le 15 août 2025. Par la suite, sur à peu près un mois, va se jouer les différents tours, parce que ça se joue en tours en fait, avec un nombre de points qui est attribué aux différents participants, et celui qui a le plus de points remporte le concours. Il faut savoir qu'il y a environ 240 personnes qui ont participé l'année dernière, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. Mais vous allez me dire, ces gens, ils gagnent quoi ? Alors, vous allez être surpris, mais ils ne gagnent pas d'argent, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me moque de ouf. C'est de la publicité mensongère, là. Alors, franchement, je suis très déçu. C'est vrai, c'est une publicité mensongère. Mais en réalité, depuis 1984, le Congrès a modifié le Duck Stamp Act. Et cette modification permet, en accord avec son auteur, de réutiliser le modèle du timbre pour tout autre chose, et notamment des entreprises vendues du secteur privé. Et à partir de 1984, certaines personnes ont gagné énormément d'argent, non pas par la valeur du timbre, mais tout simplement parce qu'ils ont vendu les droits ou négocié les droits de l'utilisation de leur œuvre. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on appelle le Duck Stamp Act le Million Dollar Duck, parce qu'à l'époque, eh bien, remporter ce concours pouvait rapporter très très gros. Un concours qui a même eu l'occasion de bénéficier d'un documentaire en 2016, rien que ça, qui s'appelle d'ailleurs le Million Dollar Duck, qui relate le parcours de différentes personnes justement qui soumettent leurs propositions à ce concours, et on apprend aussi plein d'autres petites particularités, par exemple qu'un chien a failli rentrer dans ce concours, il a failli participer, mais finalement il n'a pas été participant. On apprend aussi qu'il y a eu des personnes qui ont gagné plusieurs fois ce concours. Il y avait notamment, alors je crois que c'est faut que je retrouve le nom, mais on a une série on a une famille qui a gagné plusieurs fois le concours. Je crois que c'est 8 ou 9 fois, ce qui est quand même absolument, absolument gigantesque. Ah oui. 12 fois en réalité, entre Robert, Jim et Joe Hotman, qui ont remporté donc le concours 12 fois à E3. On a aussi une forte disparité des personnes qui ont remporté le concours. Par exemple, la première femme à remporter le concours ne le sera qu'en 1991. C'est Nancy O qui remportera ce concours. Concours qui, de ma connaissance, c'était quand même ouvert à tout le monde, aussi bien femmes que hommes. Et puis, dernière petite caractéristique de ce concours, eh bien, il a été lancé également pour les enfants. À partir de 1989, tout d'abord dans l'État fédéral, puis ensuite au niveau national, le concours a été ouvert aux enfants et c'est la petite Émilie Liane qui a remporté l'année dernière concours qui donc pareil est aussi un timbre qui va être vendu moins cher, $5, et là l'intégralité des fonds vont être réservés à la conservation des milieux et des espèces. Voilà pour ce petit timbre qui fait quand même beaucoup pour la conservation aux États-Unis. Mais c'est incroyable ça, ça en fait un paquet des fonds qui sont quand même levés pour ça. Absolument, et il faut savoir que le timbre est devenu objet de collection et certains l'achètent en plusieurs exemplaires, certains l'achètent pour eh bien juste avoir ce permis de chasse, hein, grosso modo, hein, ça fonctionne certains l'achètent en plusieurs exemplaires. Et autre avantage de ce timbre, c'est une fois acheté, tu peux accéder à toutes les réserves naturelles des États-Unis gratuitement. Ah quand même, ça fait beaucoup. Donc, mine de rien, ça vaut quand même le coup d'investir les $25 dans ce timbre. Et puis, un timbre qui a suivi, bien sûr, les différentes évolutions technologiques. En 2023, il a été modernisé, puisque eh bien, celui-ci est maintenant au format dématérialisé. Quand bien même, l'acheteur reçoit aussi une version physique du timbre. Ah, c'est mieux quand même. Ouais, voilà. Ah, oui, donc... Donc voilà un petit peu pour ce timbre un petit peu particulier qui peut rapporter gros, notamment dans les années 80. Il y a des personnes effectivement qui se sont rendues fortunées grâce à leur vainqueur à ce concours. Et ben bravo à elle, bravo. Voilà. Bon, et ben écoute, il n'y a plus qu'à mettre ça en place en France, non? Bah pourquoi pas, hein. Il y a d'autres pays qui le font, le Canada, le Royaume-Uni le fait aussi, mais c'est peut-être beaucoup moins médiatisé déjà, et puis beaucoup moins, on va dire, sacralisé que cette pratique aux États-Unis qui, mine de rien, approche de ses 100 ans, hein, 2025, comme je l'ai dit, première idée aux alentours de 1934. Mine de rien, c'est une expérience qui fait son temps et qui a fait son temps. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'aime bien l'idée de remplacer le permis de chasse par un timbre que tu achètes, parce qu'effectivement, tu dois renouveler ton permis de chasse si tu veux pouvoir aller chercher dans certaines réserves, certains endroits en France aussi, hein, c'est comme ça. Et avoir cet argent reversé pour la conservation animale derrière, ça pourrait quand même être une très très bonne idée. Sophie, oui. Tu nous parles de plumes, comme souvent. Comme souvent, étrangement, nous sommes sur un podcast d'ornithologie, je parle de plumes. C'est vrai. Ça va, jusque-là je pense qu'on est bon. Mais alors, du coup je voulais te poser une petite question, parce que là on va parler de plumes, mais... Est-ce que tu sais, toi, comment ça se passe quand une espèce d'oiseau perd la capacité de vol? Il n'y a pas que les plumes qui vont changer dans ces cas-là, il y a plein d'autres paramètres qui vont ne plus être pareils que ceux d'un oiseau qui vole, hein, évidemment. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui peut changer? Bon, bah on a les muscles qui s'atrophient, on a aussi des os, je crois, qui, alors peut-être pas sont perdus, mais pareil, qui deviennent un peu vestigiaux. Là, j'ai le bréchet qui me vient en tête. Je ne sais pas s'il disparaît complètement chez les ratites, mais je ne crois pas. Mais oui, il y a plein de modifications outre que la perte des plumes. Exactement. Alors, comme tu l'as dit, il y a des modifications. Certains os vont pas forcément se perdre, mais peuvent aussi se transformer. Par exemple, les os qui normalement sont creux chez les espèces qui vont voler. Enfin, pas exactement creux, mais c'est une structure qui est, qui est très très très légère, eh ben chez certaines espèces qui vont principalement marcher, mettons les autruches par exemple, on est sur des os qui ne vont plus du tout avoir la même structure parce qu'ils n'ont plus cette contrainte due au vol qui va leur demander d'être particulièrement légers pour que l'oiseau puisse s'élever dans les airs. Et puis par contre ils vont avoir d'autres contraintes, en l'occurrence bah, chez les autruches ça va être pour la course par exemple, où là il va falloir qu'on ait des os quand même suffisamment solides pour pouvoir soutenir un rythme effréné lorsque ces animaux courent jusqu'à 60 km/h. N'oublions pas que ça va très très vite ces bestioles-là, et évidemment il faut une certaine résistance au choc, ce qui est logique. Donc on a effectivement un changement au niveau du squelette, un changement au niveau des muscles, on va avoir les ailes qui peuvent s'atrophier aussi, hein, chez les autruches notamment, c'est des choses qui vont rester uniquement là pour la parade nuptiale, parfois aussi pour s'éventer un petit peu quand il fait un petit peu trop chaud, ça marche aussi. Bref, on est sur des animaux qui vont perdre la capacité de vol, et puis on a, alors au contraire des autruches, des oiseaux qui vont perdre la capacité de vol aussi, mais qui vont pas forcément perdre leurs ailes. Ça va être des choses comme les manchots par exemple, parce qu'ils vont utiliser leurs ailes pour voler, mais voler sous l'eau cette fois-là. Voilà, donc on va garder quand même une structure similaire, même si cette fois-ci c'est plus la plume qui va changer cette fois-là. Alors il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, juste cette semaine, alors je suis désolée, il n'est pas en open access, mais vous avez quand même toujours l'abstract qui va être disponible si jamais vous voulez aller voir. Puis sinon, bah, y a d'autres sites, hein, vous les connaissez, sur lesquels vous pouvez récupérer ces journaux-là, n'est-ce pas ? Nous n'en dirons pas plus. Une histoire de corbeau, un truc comme ça, non ? Oui, tout à fait. Oui, bon, voilà, quelque chose comme ça. Au pire, vous nous le demandez et on vous l'envoie dans les commentaires vu que nous on l'a, il n'y a pas de souci. C'est un article qui est assez complet, il fait quand même plus d'une trentaine de pages. Ah, et oui. Qui est en anglais évidemment assez pointu et qui va essayer de regarder les relations entre les changements morphologiques uniquement sur les plumes cette fois-là, quelque chose qui n'avait pas forcément été fait auparavant, et la perte du vol dans la plupart des familles d'oiseaux. Donc on va effectivement parler des autruches, on va parler des manchots, on va parler des tas d'autres bestioles comme ça qui ne volent plus, notamment les casoars, des trucs comme ça. Et on va essayer d'expliquer comment est-ce que les plumes ont évolué à partir de là pour donner ce qu'elles sont actuellement. Donc si vous avez déjà vu des plumes d'autruche ou des plumes d'émeu, hein, par exemple, vous savez que ces plumes-là, elles ont plus grand-chose à voir avec les plumes de, mettons, un moineau, par exemple, ou alors de n'importe quel oiseau qui vole, en tous les cas, parce que on va être sur une plume qui va être extrêmement filiforme, avec parfois juste un ou deux rachis centraux, et quasiment pas de petites barbes sur le côté. Donc les barbes, c'est ces espèces de plans que vous avez sur les côtés de la plume, sur les côtés du rachis central, qui vont notamment permettre à la plume de porter l'oiseau lors du vol, hein. Ça va faire une sorte de surface plane qui permet de le faire tenir sur les courants d'air, tout simplement, comme vous prendriez un cerf-volant, par exemple. Plus il est grand, mieux ça tient. Donc c'est pareil pour les plumes. Vous allez avoir ces deux plans sur les côtés de la plume, et ben chez les autruches, vous n'avez pas ça du tout. Vous avez uniquement des trucs très très filiformes, avec juste le rachis central, et puis un petit peu de duvet sur le côté, et puis c'est tout. Alors, ce qui était intéressant dans cet article, c'est de voir, en fait, plus la distance... Avec des parents proches qui eux ont conservé le vol est grande, c'est-à-dire plus vous avez une séparation qui s'est produite il y a longtemps entre ces animaux qui ne volent plus et les autres, leurs cousins qui volent encore, et ben plus le changement dans les plumes va évidemment être important, ce qui est logique. Oui. Si vous regardez un manchot, ce changement-là c'est pas produit il y a aussi longtemps que les autruches. Vous avez pourtant d'autres contraintes sur la plume en question, mais les plumes du tout vont pas du tout être les mêmes non plus. Donc il y a quand même une différence en fonction de l'histoire, en fait, et du moment où l'oiseau, où cette espèce-là a évolué pour ne plus voler. Donc il y a un changement à ce niveau-là. Et cet article va être très intéressant parce que on va voir à quel point ça peut évoluer vite ou pas du tout, en fonction des différentes contraintes qu'on va avoir sur l'oiseau et sur la plume en question. Parce que la plume, ça sert pas que à voler, et je sais pas si tu le sais, mais j'imagine que tout le monde le sait. On en parle souvent. Les plumes, ça sert non seulement au vol, ça ce sont les fameuses plumes de vol que vous connaissez qui sont sur les ailes et sur la queue notamment, les rémiges, hein, par exemple, et les rectrices. Mais ça sert aussi notamment à tenir chaud. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler les plumes de couverture qui vont tenir chaud à l'oiseau, ou le duvet en dessous de ces plumes de couverture, qui va donc permettre de garder une sorte de couche protectrice, un peu comme si vous aviez une doudoune autour du corps pour vous garder bien au chaud. D'où le fait d'ailleurs que les doudounes soient faites en plumes de canard pour beaucoup. Ça garde bien chaud. Bon, en l'occurrence, chez l'oiseau, donc il y a plein de types de plumes différentes qui vont répondre à des contraintes, du coup, très différentes. Hein. Si vous avez besoin de rester au chaud, bah, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de voler, mais il faut quand même peut-être garder un petit peu de chaleur. Donc dans ces cas-là, les plumes vont évoluer d'une manière ou d'une autre. Chez l'autruche, par exemple, garder de la chaleur, ça n'a pas forcément été le plus important. On parle ici, en termes plus scientifiques, de contraintes évolutives, avec par exemple un oiseau qui va vivre dans des environnements plutôt froids, qui du coup aura quand même besoin de garder des plumes qui sont assez épaisses pour se protéger du froid et notamment du duvet. Alors qu'une espèce comme l'autruche, par exemple, qui ne vit pas dans ces endroits-là, peut tout à fait avoir des grandes zones sans plumes, qu'on va appeler les apterylies, qui, bah, du coup, n'ont pas forcément besoin d'être protégés du froid, parce que ce n'est pas... Voilà, si vous savez un peu quelle température il fait par chez nous, clairement, il n'y en a pas besoin. Donc, on a des contraintes évolutives qui sont différentes en fonction des espèces, de leur milieu de vie, et donc ça va donner des résultats un peu différents. Et c'est ça qui est intéressant avec cette étude, parce qu'elle englobe vraiment plein d'espèces différentes, plein de milieux différents, d'environnements différents, et elle va donner les résultats de, voilà, de, des modifications qui vont être faites suite à la perte du vol sur les plumes, sur le plumage en règle générale, et notamment sur les plumes de vol. Par exemple, chez les manchots, on va avoir une réduction très très très très nette des plumes de vol, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus grand chose, que ça ressemble quasiment plus qu'à des plumes de couverture, donc des toutes petites plumes très très fines, toutes petites, assez rigides, qui vont juste venir couvrir eh ben, l'aile en elle-même, qui, elle, cette fois-ci, va être quelque chose d'assez épais, comparé aux autres oiseaux. On va être sur surtout un membre principalement composé de peau, d'os, et pas juste des plumes par-dessus pour garder un peu la chaleur à l'intérieur, mais il n'y aura plus de plumes de vol comme on a chez les autres oiseaux, par exemple. Donc en fonction de ces contraintes-là, on va avoir des changements morphologiques qui vont s'opérer. Et je trouvais l'article très intéressant là-dessus. Ok. Et au niveau des plumes, ça c'est un petit mystère qu'on n'a pas encore tout à fait résolu, et je trouvais ça intéressant aussi. Est-ce que vous connaissez les gypaètes barbus ? On a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, on les connaît pas mal, notamment grâce à leur petite barbichette, hein. Elle est bien mignonne cette petite barbichette noire qu'ils ont en dessous de la mâchoire. Et cette petite barbichette, on s'est longtemps posé la question de qu'est-ce qu'elle faisait là. Après tout, c'est des plumes, on se demande un petit peu à quoi ça sert, on sait pas trop pourquoi elles sont là. Et je sais pas si toi t'as eu l'idée de ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait servir après tout, cette barbe de gypaète. Ça pourrait peut-être servir à avoir des informations sur... sur les conditions de vol, ça pourrait peut-être servir comme marqueur, parce que c'est un vautour, hein, le gypaète, on en a déjà parlé, on a déjà parlé dans le courrier de la Sterne. Peut-être justement une espèce de limite à ne pas franchir pour éviter de, je ne sais pas, se faire mal lorsqu'il mange un os, enfin lorsque voilà. Il y a de l'idée. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites, et ces plumes-là qui constituent la barbiche de notre cher vautour, en fait, c'est ce qu'on appelle des vibrisses. Alors les vibrisses, comme tu l'as dit, c'est des choses qui sont très tactiles, très sensibles. C'est des choses qui vont servir au toucher, et qui vont donc donner des informations à l'oiseau sur beaucoup de choses qui se trouvent autour de lui. Alors ça peut être effectivement pour les vautours, quand ils vont plonger la tête dans une carcasse, peut-être leur dire où est-ce qu'il va falloir qu'ils stoppent pour pas se faire mal. Effectivement, c'est une idée, et de pas trop se salir, par exemple, hein, mettons. Ou bien ça pourrait leur servir d'organes tactiles avec lesquels ils pourraient peut-être communiquer. Je sais pas, pourquoi pas. Ah, bah après, le gypaète se maquille. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de plus de communiquer. C'est... Ah bah on ne sait pas, c'est vrai. Mais du coup, le petit point qui était intéressant sur ces plumes-là, et c'est des choses qu'on ne sait pas encore très très bien, c'est qu'en fait, la barbe de ce gypaète, elle n'atteint sa taille adulte maximale que lorsque l'animal est lui-même adulte, et ça va prendre plusieurs années. C'est-à-dire que le jeune oiseau, lorsqu'il sort du nid, il n'a pas une barbe de la longueur des adultes encore, elle est encore toute petite, toute minuscule, et elle ne grandira que plus tard. Et donc, on se disait, mais il y a peut-être un petit... Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est juste pour l'apparat nuptial, peut-être? Parce que dans ces cas-là, c'est généralement une chose qui est utilisée par les adultes pour, voilà, pour essayer de s'enticher du sexe opposé. Mais on savait pas trop. Il y a une étude qui est sortie dernièrement. On se disait, peut-être que ça va être de la protection contre le froid, parce qu'après tout, c'est un animal qui vit notamment dans des endroits où il fait très très froid, où on a de la neige. Quand même hein, pour... voilà. Ben juste une barbue, c'est vrai que c'était pas non plus... c'est pas ce que je choisirais comme protection contre le froid. S'il y a des barbus qui nous écoutent, ils nous le diront ou pas en commentaire, mais est-ce que ça protège vraiment contre le froid? Ça, c'est une question. Je me pose la question. Le Père Noël a-t-il une longue barbe parce que justement, il se protège parce qu'il du fait froid. Froid. C'est une bonne question. On sait hein, pas. On sait pas. Donc, est-ce que ça pourrait servir à ça? J'en doute. Très honnêtement, j'en doute. Mais, en l'occurrence, on a dit tout à l'heure, c'est un organe, cette petite plume comme ça, c'est un organe du toucher, c'est un organe sensitif. Mais c'est un organe du toucher qui peut aussi être utilisé en vol. Et alors, une étude est sortie en 2024, dans une étude italienne notamment, où un chercheur s'est amusé à photographier des gypaètes barbus pendant qu'ils volaient, et toujours les mêmes oiseaux pour avoir une base de référence quand même. Et il a essayé de regarder un petit peu en fonction des courants d'air, en fonction de la manière dont ils volaient, de leur positionnement eux-mêmes sur ces courants d'air, quelle était l'orientation de la barbe. Ne me dis pas que c'est des girouettes. Ah. En l'occurrence, il a trouvé... Eh ben en fait, on n'en est pas très loin, parce qu'en fait, il a constaté que l'orientation de cette petite barbe varie en fonction de la direction du vol. Ou même lorsque l'animal porte une charge assez lourde, donc mettons qu'il transporte des gros nonos ou un truc comme ça, et ben en fait, l'orientation de la barbe va varier beaucoup pour l'aider, on suppose en tout cas, à mieux prendre les courants d'air et à tourner correctement. Et juste cette petite barbiche, parce qu'elle n'est pas énorme, hein, c'est pas un truc qui est gigantesque non plus, et juste cette petite barbiche pourrait l'aider possiblement à faire des acrobaties aériennes que les adultes sont capables de faire, mais que les jeunes ne sont pas capables de faire, et parce qu'ils sont un petit peu plus... ils sont pas aussi doués en vol que leurs adultes. Et donc on se demande si ça, ce n'est pas quelque chose qui serait resté, parce que ça, cette petite barbiche, en fait, c'est... On pense que c'est assez, c'est un résidu de ce qu'il y avait précédemment chez les ancêtres de ces oiseaux-là. On pense que les ancêtres de ces vautours avaient... Tu veux dire une barbe ? Une barbe, oui, effectivement. Ils avaient une sorte de barbe. On suppose que le genre... l'ancienneté du genre Gypaetus, c'est quelque chose qui est assez ancien, en fait, Gypaetus. Ce genre-là, il remonte au Miocène. Donc on est à peu près à moins 20 millions d'années, okay. ce qui est déjà pas mal. Et on pense que ça, ce serait une sorte de relique de ce qu'il y avait précédemment, qui avait effectivement une sorte de barbe chez beaucoup d'espèces de vautours. Et on suppose que en fait, c'était à la fois peut-être pour voilà la reproduction, pour ce genre de choses, mais aussi, et ben pour aider au vol tout simplement. Et bon, non seulement on suppose qu'il y a peut-être une histoire aussi de froid et de quantité de plumes sur certains endroits, mais en tous les cas, on se dit que ça devait possiblement être quelque chose qui était plus répandu dans le passé que ça ne l'est aujourd'hui. Incroyable. Et que finalement, la barbe du gypaète barbu n'était pas forcément quelque chose qui était uniquement inféodé à l'espèce gypaète barbu et qui avait certainement d'autres espèces de vautours qui en portaient aussi. Mais même d'autres espèces d'oiseaux, peut-être. Parce que peut-être les vibrisses sont présentes chez une... Alors, les vibrisses, grande majorité sont d'oiseaux, Non, c'est présent chez beaucoup, beaucoup d'espèces d'oiseaux, mais avoir carrément une barbe de vibrisse comme ça, c'est pas présent chez beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il me semble qu'il y a quasiment que le gypaète. Mais en l'occurrence, il y a un cousin du gypaète que vous connaissez certainement, le Percnoptère d'Égypte. Je sais pas si tu vois un petit peu. Mmh. Voilà. Donc, c'est un oiseau au plumage blanc, cette fois-ci, à la face jaune, si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et en fait, cet oiseau-là, il a aussi une sorte de barbiche beaucoup moins prononcée que celle du gypaète. Mais en l'occurrence, c'est son cousin. Et ils ont des soies faciales qu'on appelle... voilà, on appelle ça des soies faciales, pas vraiment une barbe. Et elles sont conservées sur la face qui, normalement, est nue chez les adultes. Mais là, on a quelques restes en dessous de la face, notamment. Un peu comme s'il y avait une petite barbiche avant. Et c'est marrant qu'effectivement, ces deux espèces qui sont cousines présentent des choses qui sont finalement assez proches. Donc on se dit que peut-être leurs ancêtres avaient effectivement des barbes. Très très bel oiseau, le Percnoptère d'Égypte, avec un espèce de crâne jaune, comme si finalement il avait un espèce de masque. Exactement, assez, très bel oiseau. Assez formidable. Mais du coup, cette étude, elle parlait uniquement des ratites. Alors, bon, le gypaète barbu n'en est pas un, mais la première étude que tu as évoquée, elle ne parlait que des ratites ou elle parlait aussi d'autres oiseaux qui ne sont considérés comme ratites, mais qui ont perdu le vol. Je pense notamment au Strigops cacapo, pour ne citer que lui. Oui, par exemple, elle parlait aussi de ça, mais elle parlait aussi de certains canards et puis notamment des manchots. Voilà. Donc il y avait un peu de tout, et c'était ce qui est justement intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont vraiment ratissé large, ils ont vraiment regardé beaucoup beaucoup de types d'espèces d'oiseaux, et ils ont même essayé de voir certaines espèces d'oiseaux qui sont pas encore totalement dépourvues de vol, bien que ce soit un peu compliqué pour elles de vraiment voler sur de longues distances. Alors je sais plus exactement quelles espèces ils regardaient à ce niveau-là, mais ils ont aussi regardé ces espèces-là pour justement essayer de trouver une transition entre des espèces qui seraient volantes complètement et des espèces qui ne le sont plus du tout. Et donc ces espèces, en fait, entre les deux, pourraient clairement donner une sorte de phase de transition dont ils se sont servis dans l'article. D'accord. Et c'est quoi leur conclusion, du coup ? Bah, du coup, la conclusion, c'est qu'en fonction des pressions environnementales, des pressions de sélection que tu as sur ton espèce, bah, tu vas avoir un résultat différent. Même si, évidemment, plus tu as divergé il y a longtemps des lignées d'oiseaux qui volent, plus la sélection sur avoir une plume asymétrique, c'est la fameuse plume de vol asymétrique que l'on connaît aujourd'hui, va être moindre, et du coup plus tu vas avoir des espèces comme les autruches et les émeus qui vont avoir des plumes qui ne ressemblent plus du tout à rien. Intéressant. Eh ben, c'est une super étude et on a découvert des trucs sur le gypaète barbu à nouveau. Décidément, les vautours en folie dans cette émission. Exactement. Et c'est sur cette dernière information que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Sophie d'avoir participé à ce nouvel épisode. Où est-ce qu'on te retrouve ? Eh bien, généralement sur Twitter et sur Instagram @leplumeux, et puis sur YouTube sur la chaîne Entracte Science. Et vous retrouvez le courrier de la Sterne toutes les semaines sur toutes vos applications de podcast favorites. Vous nous retrouvez également sur YouTube si vous avez des questions. Si jamais vous voulez consulter, eh bien, les différents articles, ils seront présents dans la description comme à l'accoutumée. D'ici là, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.